La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger, on peut faire... C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Rendez-vous sur sfr.fr. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Les émerveillements de Jacqueline de Romilly. Si je cherche à expliquer pourquoi j'ai choisi le grec, c'est toute ma vie que je vais expliquer. C'est l'émerveillement que m'ont donné ces textes. On s'étonne à chaque fois comment est-ce que ça a pu être dit avec tant de force et porté tellement bien, même en notre temps. Mais aussi, par cette clarté dans l'analyse, cette clarté des idées, ce sont les idées que nous discutons encore aujourd'hui. Jacqueline de Romilly tutoyait la Grèce. Les grands personnages de son époque archaïque comme classique étaient ses compagnons. En 1995, la Grèce du XXe siècle lui accorda sa nationalité. C'est un titre qu'elle appréciait beaucoup personnellement et qui s'ajoutait à ceux qu'elle avait accumulés à Paris. Première femme élue au Collège de France, première femme élue à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avant d'être choisie par l'Académie française elle-même. Mais si Jacqueline de Romilly fut de plus en plus lue et écoutée, au point de devenir célèbre, elle le devait à des qualités personnelles qui ne tenaient pas à ses lauriers. Sa voix était précise, sans être froide, vibrante, sans être lyrique. Une voix intelligible, une voix qu'on entendait pendant qu'on la lisait. Elle ne cessa de publier jusqu'après sa mort, qui date de 2010. Son éditeur fidèle était Bernard de Fallois, qui obtint même d'elle des nouvelles et des souvenirs très personnels. La collection Bouquins chez Lafon a déjà publié en 1990 sa traduction de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, Bouquins récidive, avec une série de textes intitulés « Émerveillement », textes marquants sur Homère, Hector, Alcibiade et aussi sur la douceur. « Il ne faut pas se tromper », répétait-elle, « la Grèce n'était pas un univers de force. Achille, Hector lui-même, n'était pas tout d'un bloc ». C'est cela, au fond, la voix de Jacqueline de Romilly. Elle aurait pu être tranchante. Elle était aussi douceur. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Vieille et couverte d'honneur, elle disait « Finir seule, aveugle, sans enfants et sans famille, est-ce que c'est si sensationnel ?» Et n'avoir pas connu son père, brillant jeune professeur, mais mort dans la bataille de la Marne, alors qu'elle avait un an seulement. Et ensuite, en 1940, jeune professeur à son tour, commentait un jour devant ses élèves Érastosthène, recommandant l'expulsion des métèques. Et dès le lendemain, se retrouvait révoqué parce qu'on est juive. Moi, j'étais moitié juive et mon mari l'était aux trois quarts. Et ça veut dire qu'à nous deux, nous avions un grand-père de trop, selon la formule. C'est un peu gênant d'avoir un grand-père de trop, faut le reconnaître. D'abord, j'ai été renvoyé de l'enseignement, et puis nous avons beaucoup déménagé pour nous cacher, parce que c'était quand même un jeu dangereux. Être juif en pleine défaite française, en plein statut des juifs, avec les déportations, etc., n'était pas une expérience heureuse. Et cependant, pour moi et dans mon souvenir, c'était une expérience riche et pas du tout écrasée de tristesse, du tout. Parce qu'on savait très bien ce que l'on espérait. On écoutait toutes les nouvelles qui donnait l'espoir que les choses s'arrangent. On voyait des gens, on rapportait, on se déplaçait, on franchissait tel danger, tel autre. Et dans tout cela, il y avait une grande espérance qui n'est pas toujours présente dans notre monde en paix. Le lendemain de notre retour à Paris, j'ai été, parce que c'était comme une sorte de patrie intellectuelle retrouvée, j'ai été à la bibliothèque de l'école normale de la rue d'Ulm. Et là, il y avait un grand professeur que je connaissais, que j'admirais, qui était à la bibliothèque et qui fulminait parce que le dernier numéro de la revue allemande Gnomon, dont il avait besoin pour ses recherches, n'était pas en place. Alors, quand on sortait de là d'où nous sortions, c'était à la fois ahurissant et rassurant, merveilleux, cette vie normale avec une place telle que l'arrivée d'une revue était un événement considérable dans ce monde préservé où nous allions recommencer à vivre. C'était à Aix-en-Provence, ville chérie entre toutes, que Jacqueline de Romilly s'était réfugiée pendant l'occupation, en compagnie de la famille de son époux et de sa mère. Sa mère qui avait gagné sa vie comme femme de lettres. Jacqueline a d'ailleurs toujours fait la différence entre les deux fonctions de romancière et de professeur. C'est ma mère qui est romancière, moi je suis professeur. Sa mère, qui signait ses livres Jeanne-Maxime David, l'avait poussé très tôt vers des études qui l'amèneraient à l'enseignement. J'ai commencé, et c'est un événement politique et social, j'ai commencé le latin et le grec, mais c'était la première année où les filles avaient le droit de faire du grec, la possibilité de faire du grec. Et il y avait, oh stupeur, dans un lycée de filles, il y avait un professeur homme qui venait pour ça. À la fin du lycée, je me suis couverte de gloire. En première, j'ai eu le premier prix de latin, le deuxième prix de grec au concours général. Et c'était la première fois, une fille, oh mon Dieu, ça a fait beaucoup de bruit. Tout ce que j'ai fait depuis n'était rien comme gloire à côté de ça. La presse de cette lointaine époque s'est couverte de ridicule. Une fille qui brillait dans les humanités, d'un éclat incomparable, c'était presque un outrage au bon sens. Et je me rappelle que, pour la réhabiliter en quelque sorte, un journal à grand tirage l'a montrée avec un tablier bleu, en indiquant qu'elle savait aussi faire la cuisine. Et j'entends encore un de nos professeurs nous dire « Voilà une fille dont vous entendrez parler ». Elle est merveilleuse. Et savez-vous que son père, brillant normalien, a été tué dans les premiers jours de la guerre de 14. Il s'appelait David. On dirait qu'elle marche sur ses brisés et qu'elle réincarne son intelligence. Et de fait, Jacqueline devait être reçue à l'école normale supérieure, 2 ans après, dans le même rang que son père, puis à l'agrégation encore dans le même rang que son père. Je trouve ça profondément émouvant. Après Maurice Schumann, le porte-parole de la France libre, le confrère de Jacqueline de Romilly à l'Académie, ajoutons au palmarès, 44-45 après l'interruption de l'État français, une cagne à Versailles, puis l'Université de Lille, la Sorbonne, 1957, avant le Collège de France, en 1973. Le contact avec les étudiants, je l'avais, je l'aimais, j'en vivais. Je peux même dire que j'y ai un peu sacrifié ma vie. Cela paraît une formule emphatique, c'est pourtant la vérité. Que voulez-vous ? J'y croyais. Toutes ces occasions refusées, dans tous les domaines, ces vacances écourtées, ces efforts exténuants pour venir faire un cours malgré l'épuisement ou la migraine, et cette nervosité née de mes scrupules, cette inattention à mon entourage née de mon zèle universitaire. Oui, tout cela était le prix dont je payais la joie de faire mon métier de mon mieux, de sentir la confiance qui se formait lors de mes cours et que je tournais vers les œuvres, de rencontrer de temps en temps des étudiants que je n'avais pas même connus, mais qui me révélaient après coup que je les avais aidés. Monique Grandjean, vous avez eu Jacqueline de Romilly comme professeure à l'université. Pouvez-vous évoquer comment elle se présentait ? Alors, par rapport à ses étudiants, elle paraissait un peu une déesse grecque. C'est-à-dire qu'elle était lointaine dans une certaine mesure, Mais dès qu'elle parlait de son sujet, elle nous enthousiasmait. Parce qu'elle était enthousiaste, elle était animée de l'intérieur par sa passion pour la littérature grecque. Et elle voulait absolument la faire passer à ses élèves. Donc, nous étions enthousiasmés. Mais dès la fin du cours, on retrouvait la déesse. Mais j'ai l'impression aussi que le 30 ans d'enseignement l'ont extraordinairement humanisé. Dans cette émission où on réentend grâce aux archives la voix de Jacqueline de Romilly, nous empruntons beaucoup au bon plaisir qu'elle a réalisé avec Pascal Lismonde sur France Culture en 1988. Mais il faut aussi emprunter à Apostrophe, où elle réinterprétait très régulièrement l'époque de son enseignement. Alors, est-ce que vous avez été un professeur heureux ? Parfaitement heureux, sans interruption, toute ma vie. J'ai enseigné partout. J'aime ce métier, et quand on le fait avec cœur, c'est un bonheur extraordinaire. On entre dans une classe et tout est fini. Les ennuis, les problèmes, toutes les choses de la vie normale. Les portes sont fermées, c'est un univers à part. On est en contact avec des choses de l'esprit. On se forme l'esprit. On apprend à penser, à être. Vous savez, c'est une joie aussi de voir les jeunes à qui on s'adresse s'améliorer, s'affiner, du commencement de l'année à la fin de l'année. Mais je me rappelle un jour d'agitation où j'arrivais et dans le couloir, j'entends dans ma salle des vociférations. Et je me suis dit, allons bon, ça y est, nous allons entrer dans la contestation, les difficultés. Et je suis entré craintivement. Et ils se disputaient horriblement sur la place des navires dans la bataille de Salamine. Mais j'ai eu cette impression, oui, ils sont entrés là-dedans, c'est devenu réel, ça se discute. Moralité, il ne faut pas pénétrer dans sa classe avec crainte et tremblement. Quand on entre, on a soudain le même âge que les élèves. Ça conserve, disait-elle. Ça ne se raconte pas, ajoutait-elle. C'était plus facile pour elle de raconter les cadeaux de ses élèves. Ils lui offraient beaucoup de disques noirs, puis des cassettes. Une nuit, tard, dans sa maison d'Aix, parce qu'elle était revenue à Aix-en-Provence, elle met une vieille cassette. La belle Hélène, elle entend l'air de Paris et lui revient en mémoire une soirée où, enfant, dans un salon bourgeois dans le 16e arrondissement de Paris, elle se tenait près de la fenêtre. Il n'y avait alors ni tourne-disque, ni cassette, ni radio. Un ami chantait. Un jour, le jeune et beau berger, etc. Et il ajoutait « C'est moi ». Et Jacqueline de Romilly se souvient, mais il avait un doigt coupé. Les Dardanelles. Elle observe qu'enfant, elle ne savait pas que les Dardanelles, c'était déjà la Grèce, mais elle est reconnaissante aux amis d'autrefois de se tenir de nouveau là, après tant d'années. Ô Montida, toi, déesse, se querelle dans un bois. Qu'elle dise et ses princesses, la plus belle de nous trois. Et voyez que si déesse pour enjoler les garçons, et voyez que si déesse ont de drôles de façons, ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un homme frais et c'est moi. Sa main tenait une pomme. Vous voyez bien le tableau. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Dans les révélations de la mémoire, elle dit avoir été heureuse d'être la petite fille qui écoutait émerveillée les amusements auxquels se livraient les adultes en interprétant Offenbach. Émerveillée. Le volume de texte de Jacqueline de Romilly, que publie Bouquin Lafont, s'intitule « Émerveillement ». Émerveillement encore que ce souvenir de jeune femme, cette fois à Delphes en Grèce. En me réveillant le matin, j'ai aperçu la lumière entre les volets. Cédant à une brusque tentation, je me suis habillée rapidement et me suis glissée sans faire de bruit hors de notre chambre. Il me fallait, très vite, avant que les gens fussent éveillés, retrouver autour de moi la présence de Delphes. C'était l'éveil de la campagne, dans l'air frais de l'aube et sous son aspect le plus familier. On se serait cru au temps d'Hésiode ou dans une île bien abritée dans la paix du petit matin. Il est clair que cette présence du temple et des dieux, de ses statues et de ses souvenirs littéraires, était là, quelque part, autour de moi et en moi. Je n'avais pas besoin d'y penser. Les souvenirs m'enveloppaient comme une sorte de vaste cocon protecteur et je savais parfaitement que je foulais une terre exceptionnelle. Les annalistes français ne partagent pas nécessairement le point de vue de Jacqueline de Romilly sur la Grèce, terre exceptionnelle de paix, de grâce, de douceur. À cet instant de l'émission, Marcel Détienne mérite d'être cité. Parti enseigner aux États-Unis à John Hopkins, ce grand anthropologue vient de disparaître sans que sa mort soit beaucoup signalée. Son savoir était immense et sacrilège. Pour lui, les Grecs étaient un peuple comme un autre. Il les comparait au peuple du Caucase. Aussi représentait-il un Apollon, non pas à Delphes, mais avec son couteau en amateur de sang, qui exigeait des sacrifices sur les autels, pas précisément le modèle de beauté équilibré, cher à Jacqueline de Romilly. Chez d'autres chercheurs pionniers de l'époque, au centre, Louis Gernet, autour de Jean-Pierre Vernant, de Nicole Laureau, de Pierre Vidal-Naquet, on entend des guerres, le discours sur l'exceptionnalité grecque, on se serait installé à le réutiliser dans une sorte de roman exclusiviste, un roman historique. Mais il n'empêche, elle n'était pas loin, elle, de parler de miracles grecs. La Grèce a représenté dans l'histoire de l'humanité un moment privilégié. Pensez que en un quart de siècle, un demi-siècle si on veut être large, on a inventé la tragédie que nous avons encore, la comédie qui existe encore, qu'on a fondé l'histoire, qu'on a fondé, enfin plutôt donné ses statuts réels à la philosophie, qu'on a entamé la rhétorique, que toute cette activité, les gens venaient de tous les pays, de Grèce vers Athènes, il y avait échange, c'était l'époque où, pas Athènes, mais Athènes en profitait, a commencé la médecine qui servait de modèle. Il y a une espèce d'essor. C'est quand même aussi le moment où on construisait l'Acropole, après tout. Ça peut frapper des gens qui sont moins que moi vivants dans ces textes. Et la différence avec beaucoup de civilisations, c'est que ils voulaient apporter les choses en commun, les rendre accessibles. D'ailleurs, le principe de la démocratie qu'ils inventaient, c'est la même chose. Ne pas avoir une sagesse entre les mains de quelques sages exceptionnels qui la gardaient pour eux et qui étaient très difficiles et très respectés, mais de se mettre à tout discuter. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé ce dont nous vivons encore. C'est passé à Rome, et Rome l'a pris à Athènes. Athènes n'a pas tout le temps été comme ça. Athènes n'avait pas cette importance un siècle plus tôt. Elle ne l'aura plus deux siècles plus tard. Mais il y a certainement, dans l'histoire de l'humanité, des moments comme ça qui sont des moments, pour toutes sortes de raisons, exceptionnellement créateurs. Alors, je crois que en se rapprochant de cet élan créateur, c'est pas le passé qu'on retrouve, c'est l'élan même de l'invention et de la diffusion du savoir, de l'art, de la beauté. Arrêtons-nous sur le mot démocratie. Jacqueline de Romilly, qui a toujours participé activement aux séances du dictionnaire de l'Académie française, a toujours aimé observer la formation, l'utilisation, la circulation des notions nouvelles. Et s'il y a bien un mot qui, dans l'Athènes du 5e siècle, circule entre tous les auteurs, ceux d'histoire comme de théâtre, c'est celui de démocratie. Voici cette fois un extrait d'une émission que Jacqueline de Romilly a faite sur France 5 avec Bernard Jourdan. La démocratie athénienne est une invention d'Athènes. Le mot est une invention. La chose est une invention. C'est resté, et nous ne parlons que de ça. Mais c'est un monde tout à fait différent de ce que nous pouvons faire au point de vue concret. ça n'a aucun rapport. La démocratie athénienne était une démocratie directe où tous les citoyens venaient, parlaient, jugeaient, plaidaient, tranchaient comme juges, enfin, eux-mêmes directement et tous. Naturellement, quand on dit tous, il faut rappeler que tous, mais pas les femmes, ni les esclaves, ni les étrangers, tous les citoyens. Mais c'était quand même pour eux ça, la découverte, que c'était pas les grandes familles ou un chef ou les riches, mais tous les citoyens. Bon, alors, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit du même genre dans les grands pays actuels et avec les démocraties indirecte, représentative, où l'on vote pour quelqu'un qui votera, etc. Donc, toutes les données matérielles sont différentes. Et cependant, étant donné cette façon qu'avaient les Grecs d'aller toujours à l'essentiel, les principes, l'idéal, les valeurs, les grands fondements de la démocratie sont encore ceux qui peuvent nous être chers, avec des différences qu'il est intéressant de préciser, mais ce sont les mêmes mots. Et il devient très intéressant de voir si nous n'avons pas parfois été imprudents en nous écartant de l'idéal qu'ils avaient défini. Le 5e siècle avant notre ère, le grand siècle de Jacqueline de Romilly, s'achève avec la longue guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, à l'issue de laquelle Alcibiade, le sujet d'un de ses livres, qui est repris dans le volume de bouquin, accompagne la démocratie vers son déclin. L'histoire de la guerre du Péloponnèse, telle que la raconte Thucydide, c'est, pour Jacqueline de Romilly, le livre majeur. Sa mère lui en avait offert une traduction ancienne, alors qu'elle n'avait même pas 20 ans. Le livre va l'accompagner sa vie durant. Sa propre traduction l'occupera pendant plus de 2 décennies. Causerie de 1952, quand Jacqueline de Romilly est encore à l'orée de ce travail. Si la guerre du Péloponnèse nous apparaît encore aujourd'hui avec un tel relief, c'est pour une bonne part parce qu'elle a eu pour historien Thucydide. Cet homme qui a raconté une guerre contemporaine à laquelle il avait été mêlé, nous aimerions avoir des renseignements sur lui. Mais Thucydide ne pouvait guère parler de lui si l'on pense à la haute idée qu'il se fait de son devoir d'historien. Rien en effet n'est plus caractéristique, et il place son ambition si haut que de cette guerre contemporaine, il veut écrire un récit qui, au lieu de plaire sur le moment, soit, selon son expression célèbre, un thema eis aei, une acquisition pour toujours. Exigence d'exactitude d'abord. Si l'on pense à ce qu'était encore l'histoire d'Hérodote, à plus forte raison celle de ses prédécesseurs, les logographes, on mesure l'importance de cet esprit d'enquête et de contrôle que marque Thucydide, de cette chronologie si rigoureusement observée et dont les cadres, pour plus de clarté, sont devenus ceux des saisons. À l'exactitude, ajoutons encore de la clarté du récit, même quand il s'agit de batailles indéchiffrables, usage précis des mots. Jacqueline de Romilly n'était pas peu fière de sa traduction de Thucydide qu'elle considérait comme une manière de chef-d'œuvre puisqu'elle était parvenue à en faire une épure. J'ai traduit toute l'œuvre et ça fait 8 volumes et c'est beaucoup de travail. Mais à chaque moment, c'était dans l'émerveillement. Ça avait commencé, c'était un émerveillement très tôt, parce que c'est drôle, parce que j'étais, bon, une petite jeune fille comme tout le monde, et c'est un auteur qui ne raconte la guerre, analyse la politique d'une guerre qu'il a vécue. Mais c'est tellement intelligent. Le pourquoi des guerres, le comment les gens réagissent, les forces, l'analyse, et tout ça a quelque chose d'émouvant, parce que c'est la raison, la pensée humaine essayant de maîtriser le réel, de comprendre, et dit lui-même qu'il voudrait que son livre aide plus tard les gens à voir clair dans les événements qui, à cause de l'élément humain qu'il comporte, seront plus tard comparable ou analogue. Aujourd'hui, on voit des chercheurs qui s'interrogent sur la rivalité sino-américaine, par exemple, à la lumière de Thucydide. Une puissance montante et une puissance contestée. Nécessairement, la seconde se demande si la première est vraiment une puissance comme les autres. En tout cas, dans la première comme dans la seconde, les conflits internes jouent un rôle peut-être plus dangereux que la rivalité directe. Et on se trouve à la merci d'un incident imprévisible qui peut mettre le feu aux poudres. La guerre du Péloponnèse, en fait, est toujours devant nous. Nous sommes lus parce que nous lisons. Jean Lebrun, sur France Inter. Archives de Jacqueline de Romilly. On ne va pas redire à cet instant la liste des titres de notre héroïne du jour. Vous savez, on dit quelquefois que je suis la première femme. Il ne faut pas confondre avec Ève, naturellement. Mais c'est vrai, j'ai été la première femme ici, là-bas, ça s'est ouvert. Mais ça s'est ouvert parce que c'était le moment où cela s'ouvrait, que tout le monde était très content d'avoir une femme. J'ai été la première femme au Collège de France, à l'Académie des inscriptions, mais il y en a eu bien d'autres après. C'était le moment, tout du long de ma vie, j'ai eu la chance d'être de la génération pour qui tout s'ouvrait. Collège de France, la première, mais pas la seule helléniste. Il y avait aussi, sur une autre chaire, Jean-Pierre Vernant. Alors, il suivait deux voies parallèles. Voie plus critique pour Jean-Pierre Vernant, faut-il le redire, voie éclairée par les émerveillements pour Jacqueline de Romilly. Il arrivait à Jacqueline de Romilly de confier tel ou tel de ses élèves à Jean-Pierre Vernant. Et puis, tous deux se sont retrouvés à un moment pour défendre, je ne sais pas s'il faut dire les humanités, ce n'était pas le langage de Jean-Pierre Vernant, mais les langues latines et grecques et l'enseignement des civilisations anciennes. Alors nous allons donner la parole aux élèves, aux pratiquants, qui veut parler et qui veut expliquer pourquoi il a choisi... Vous faites une citation grecque, qui veut prendre la parole, oui. C'est du Démosthène. Absolument, oui. Ça. Donc qui veut prendre la parole à la manière de Démosthène et expliquer pourquoi il ou elle a choisi de faire du grec, donc d'apprendre le grec. Il n'y a que le premier. Vous n'avez pas l'habitude de l'enseignement. Excusez-moi, il faut désigner les volontaires. Ah, désigner, bon, d'accord. Alors, désignons un volontaire, je ne sais pas, vous, par exemple. Voyons, il faut commencer par un homme pour madame, l'air de rien. Nous sommes deux femmes ici. Voyons, monsieur, là, au premier rang. Désigner les volontaires. Attention, on va découvrir qu'aucun n'a voulu faire du grec et ça va tourner à notre confusion. Le monsieur derrière, il ne fait pas de grec. Non, vous ne faites pas de grec, monsieur. Non, uniquement du latin. Ah, vous faites uniquement du latin. Oui. Vous êtes venu aujourd'hui pour voir ce que l'on fait quand on fait du grec. Vous ne l'apprendrez pas s'ils ne le disent pas. Mais je compte l'apprendre une fois que je disposerai de plus de temps. Ayant intégré, si jamais j'arrive à intégrer, je compte bien me mettre au grec. Pour les auditeurs, il faut dire qu'intégrer, oui, ça veut dire entrer à l'école normale supérieure. Je compte bien me mettre au grec. Bon, je n'ai pas osé, à vrai dire, me lancer dans le grec cette année, parce que je comptais bien avoir énormément de travail, effectivement. Et en latin, vous êtes content, parce que, vous savez, nous ne pouvons pas défendre le grec sans le latin, et à mon avis, pas très bien le latin sans le grec. Tant qu'elle put, elle est intervenue dans les classes, gardant, on l'a noté, le contrôle, évidemment. Il manque à la panoplie de bouquins après l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Ce volume qui paraît cette année intitulé « Émerveillement », peut-être un jour, les écrits sur l'enseignement de Jacqueline de Romilly. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco. La réalisation, Audrey Ripouille, à la technique, Julien Dumont.